Chapitre 5. Nous avions tout juste 5 pas à faire, mais Yann maniait son bambou comme s'il s'était promené dans le bois de Boulogne. Au grand hôtel, le diapason était déjà haut. Les pêcheurs brandissaient leurs verres dans leurs mains gourdes, ils parlaient comme des tonneaux ou des tuyaux, se donnaient des tapes amicales et s'aspergeaient mutuellement le visage de véritables douches d'eau-de-vie quand ils éclataient de rire. Tout était en mouvement. Seul Chiquel, l'âme de chien, ne remuait pas. Il s'était mis dans la tête de ne pas être de la fête. Son pied bandé posé sur une chaise, il était assis dans un coin et jouait au domino avec un adversaire invisible. Sa tête était bandée et seul un petit œil s'agitait derrière le pansement comme un petit animal brillant dans une cage obscure. « Hello, Chiquel, l'autre jour, c'était ton bras qui était bandé, et aujourd'hui te voilà complètement emmitouflé ?» Mais Yann ne dit rien, il se posta devant Chiquel et rit insolemment. « Ce sont les suites de ma mauvaise conduite, » répondit Chiquel avec un timide haussement d'épaule en poussant les dominos de sa main chétive et sale. Mais du bar, Madame Chiquel cria qu'il ne fallait pas donner un sou à sa fripouille. Cette nuit, sa fripouille avait scié les planches du bois de lit qui s'était effondré. Oh, quelle misérable canaille! Ici, Chiquel siffla de malin plaisir un petit sifflement de souris, mais il se tut instantanément en voyant son épouse faire un geste. La ronde était terminée et la société de la noce remplissait le bar. La vraie fête commença. Le bar fut noyé sous l'eau-de-vie. On criait et on s'enivrait, hommes et femmes, un biniou piaulait et on dansait. C'était une sorte de scottish, mais le principal était de taper avec des sabots pour faire du bruit. Le grand hôtel grondait comme l'intérieur d'un grand tambour sur lequel un fou furieux eût tapé à tour de bras. Des nuages entiers de poussière montaient du plancher. Rose Eyre se trouva dans mon voisinage, je m'approchai d'elle et l'invitai pour une danse. Son petit visage était couvert d'une rougeur étrange, comme s'il eût été poudré avec de la brique pilée. Elle me ritonnait, ses dents étincelaient. Elle ne dit rien. « Eh bien, Rose Eyre, tu ne veux pas ?» Rose Eyre secoua la tête et continua de rire. Elle était gênée. « Bien. » Je me détournai et rejoignis Yann pour attendre un moment plus propice à un rapprochement. Yann s'amusait royalement. Assis dans un coin, il buvait, appliquait de petits coups de pied dans les jarrets des danseurs et pinçait les femmes. Oh, oh, oh! Et comme il en riait! Finalement, il s'écorcha la main au sang à son épingle de cravate et instantanément il arracha sa cravate et son col et piétina ses appendices de la civilisation. De nouveau, il se sentit un homme et, chose remarquable, il but alors 2 fois plus vite. À ce moment se produisit un petit incident. Jean-Marie, qu'ils appelaient le roi de la mer, un petit vieillard à cheveux blancs, s'affaissa sans bruit. On le porta dehors et on l'étendit devant la maison. Rose Eyre s'approcha de Yann. « Grand-père est couché devant la porte, » dit-elle un peu inquiète. Yann se mit à rire. « Eh bien, et puis après » demanda-t-il. « Crois-tu que quelqu'un va venir le voler ?» Rose Eyre sourit. « Non. » Elle se sentait rassurée. Yann lui tendit généreusement son verre. « Voilà mon ami » cria-t-il en me montrant. « Embrasse-le, marche !» Cela parut très comique à Rose Eyre. « Nous nous connaissons déjà, » dis-je, en lui tendant la main et en la regardant dans les yeux. « Mais Rose Eyre ne veut pas avoir affaire à moi, elle est trop fière. »« Fière ? Oh, je ne suis pas fière du tout !» cria Rose Eyre d'une voix chantante. Et elle porta la main à sa coiffe d'un geste embarrassé. « Pourtant, tu ne veux pas danser avec moi, Rose Eyre !» Elle se mit à rire. « Danse avec lui! Danse tout de suite avec lui, c'est mon ami !» cria Yann. « Danse avec lui !» Et il le répéta 100 fois jusqu'à ce que Rose Eyre consentît. Je piétinais en rond comme les autres, Rose Eyre dans mon bras. Elle était légère et svelte, et ses cheveux tombaient mollement sur ma main. « Tu es donc allée là-bas à la côte, Rose Eyre ?» Oh non, elle n'avait pas été à la Grande Terre, elle n'avait été qu'à l'île de Molène. « Tu avais l'air si jolie aujourd'hui à l'église, Rose Eyre ?» « Comme une petite madone, tu m'as plu, pardieu, » dis-je en la serrant contre moi. Rose Eyre ne se défendit pas, elle souriait et me regardait à la dérobée. Elle avait une masse de taches de rousseur, surtout sous les yeux. Sa bouche était charnue et moelleuse, une de ces bouches qui se donnent toutes dans un baiser. Elle n'avait presque pas de sourcils. Son visage était puéril et pas encore développé, malgré ses yeux étranges et vieux. Sur son front bas et têtu, on voyait les lignes creusées par de nombreux plis, comme chez toutes les jeunes filles de l'île et même les enfants, car, dans la clarté cruelle du vaste ciel, on ne pouvait regarder qu'en fronçant les sourcils. Nous étions poussés lentement dans la ronde. Chaque fois que nous passions devant Yann, il nous piquait de la pointe de son bambou. Puis la danse prit fin. Rose Hare avait chaud et s'essuyait le front avec sa manche. Je tirai de ma poche un petit mouchoir bleu et le lui tendis. « Un joli foulard !» s'écria-t-elle. Yann examina le tissu en connaisseur. « Extra !» dit-il. Je pliai le mouchoir et le mis dans la petite main brune de Rose Hare. Et puis, « Garde-le si tu veux, Rose Hare, je n'en ai pas besoin. » Rose Hare me regarda incrédule. « Allons, prends-le donc, Rose Hare !» cria Yann. « C'est mon ami !» Rose Hare me jeta un regard reconnaissant. « Merci !» dit-elle à mi-voix en souriant. Elle considéra le mouchoir encore une fois dans tous les sens. « Où l'as-tu acheté ? À Paris ?» C'est à peine si Rose Hare pouvait se figurer cela. Alors elle se pencha sur ma main et étudia mes bagues. « Comme elles sont belles, Yann, regarde donc !» Je retirai les bagues et les lui passai au doigt. Elle les tint contre la lumière pour les faire briller et ses yeux étaient pleins de convoitises amoureuses. Mais alors il fallut que Yann donnât son approbation. Elle tira de sa poche de derrière un couteau grossier, gratta avec précaution et raya les pierres. Finalement, il cracha dessus et les polit sur sa manche. « Vrai !» dit-il. Rose Hare avait soif et voulait boire du cidre. « Alors, du cidre, la patronne, par l'enfer, vivement, 6 bouteilles !» Yann étudia le cidre, il le flaira, le lécha, en comprima une petite gorgée entre la langue et le palais, et plus son examen avançait, plus sa mine devenait rayonnante. Ça, c'était du cidre. Il fallut que Rose Hare et moi nous le sentions aussi. Yann fit une mimique expressive, et l'instant d'après, il accabla Madame Schickel des plus grossiers reproches pour nous présenter une saleté pareille à un tel prix. Madame Schickel fut obligée de diminuer le prix d'un sou par bouteille, bon gré mal gré. Maintenant, Yann était heureux. « Je fais toujours ça, » dit-il. « Ce sont de vrais bandits, ces gens de l'île. Même les prêtres sont des voleurs ici. » Alors il me montra comment on doit boire le cidre. « Ne pas avaler, pour l'amour de Dieu, ne pas avaler comme ça. Simplement laisser descendre. Si on avale, le cidre perd complètement sa fleur, son âme. Mais quand on a bu, il faut presser la langue contre le palais, ça picote agréablement. Comme ça. » Tout à coup, Yann lança vivement son pied sous la table. « Je voulais seulement voir si vous deux... Ah ah !» Nous nous amusions admirablement, Poupoule aussi, il semblait que le souvenir de ses meilleurs jours s'éveillât en lui. Il souriait. Parfois, il employait, avec une grande habileté, son truc de la souricière qui consistait à mettre les dents autour d'une jambe et à la tenir solidement sans mordre. La brune Jeannette était debout à côté de nous, souriante, et avec des yeux pleins de désir, nous regardait nous régaler. « Va te chercher un verre, Jeannette !» lui criai-je. Mais alors le visage de Rose Hare s'empourpra. « Oh, elle peut bien prendre un verre de cidre ?» Yann dit. « C'est l'ennemi de Rose Hare. »« Ah !» Jeannette revenait avec son verre à la main. Yann la regarda avec un sourire méprisant. « Tu as été chercher un verre » demanda-t-il railleusement. « Eh bien, reporte-le gentiment. Oh oh oh !» Et Jeannette, ébahie, ouvrit la bouche, rit très haut et de bon cœur, et reporta le verre. Elle se consola promptement. Un petit matelot à nuque de taureau lui avait passé le bras autour de la taille, et elle sortit avec lui. Dans la porte, elle nous regarda en riant et en montrant ses dents. « Tu vois, dit Yann, la voilà qui sort, elle n'a vraiment pas honte. » Le bar houlait, on aurait pu y faire travailler un marteau-pilon, personne ne l'aurait entendu. Ah ah ah! Oh! Le vacarme produisait des vibrations hurlantes et par moments on eût dit que le grand hôtel s'envolait en l'air. Ces gens calmes, silencieux, qui dans la solitude des vagues travaillaient parmi le fracas de la mer, braillaient aujourd'hui pour toute une année. Dans un coin, il y en avait un debout, la tête appuyée au mur, les yeux fermés dans l'extase, qui ouvrait la gueule et criait comme un forcené. Les têtes fumaient, les bras tournoyaient, les yeux incandescents comme du plomb en fusion étincelaient dans les visages rouge-feu, les femmes piaillaient et glapissaient, il régnait là une soûlerie qui depuis longtemps a disparu en Europe. Seul Schickel était assis dans son coin et jouait au domino. Je dois avouer qu'ici je me sentais chez moi. Je n'aime pas les réunions calmes. Par moments, l'air s'amasse dans mes poumons et alors cela me fait plaisir de gueuler. L'excédent d'énergie bat dans mes muscles, ils deviennent soudain durs comme des pierres et alors il fait bon briser une assiette. Vois donc. Si en bonne compagnie un idiot m'ennuie, il me faut en sourire. Mais ici, je puis lui dire sur le champ d'aller au diable. Oui, je vous en prie. Et ici, on pouvait boire, sans passer tout de suite pour un babouin, et mettre une distance de 1000 bons milles entre soi et son entourage. Ah ah ah! Oh! Quédril avait tout lieu d'être satisfait de sa noce, et il l'était. Enveloppé dans un nuage d'alcool, avec des yeux de spectre, il circulait, une bouteille à la main, comme une voiture d'arrosage. Et de plus, cet homme parlait une langue absolument nouvelle. Était-ce l'esprit d'un habitant de l'enfer qui s'était emparé de l'âme de Quédril et la chevauchait? Que diable raconte-t-il donc? Yann le savait. « La langue de la lune, » dit-il. Il commença un dialogue avec Quédril dans cet idiome. Quédril était ravi. Il comprenait, il répondait. Mais moi, j'étais un étranger, Quédril s'en rendait compte. « Où se cache ta femme, Quédril ?»« Femme, femme, femme ?» Quédril dansait avec sa bouteille. Oh, il avait complètement oublié. « Comme le prêtre a bien parlé aujourd'hui, hein » continua-t-il. « Il ne faut pas te saouler. Ha, ha, ha. Il a dit de si belles choses, si touchantes. Demain passe la Lady of Ireland. Demain soir, viendras-tu avec moi ? Une promenade. Oui, je disais, mon petit requinot. » Il racontait une histoire embrouillée sur son requin, un requin qu'il avait capturé l'été précédent. « Mon petit requin, je le vois. Il s'avance. « Viens ici, mon petit, avec tes jolies quenottes. N'aie pas peur. Fais-moi l'honneur. » On eût dit qu'il l'avait pris à la main et l'avait tiré par les dents. Dégoûtant. « Oh, Quédril, pilote numéro un, pêcheur de requins, je te le dis, mon frère. Ce requin qui t'a rendu célèbre aura été ta perte. Tu étais l'homme le plus rangé de l'île, maintenant tu cours à l'abîme. Tu t'es marié, tu feras des enfants, des hydrocéphales. Tu boiras ton bateau et ta femme te battra comme plâtre. Il n'y a plus à y revenir. » Quédril fut touché de mon allocution. Il me prit dans ses bras et me couvrit de baisers. « Merci, mon ami, toi, tu me veux du bien. » Je lui glissai à la dérobée une pièce de 5 francs dans la main. « Il faut qu'on s'amuse à ta noce, pilote. » Quédril éprouva la pièce entre ses doigts ligneux et s'enfonça avec sa bouteille dans la muraille de dos qui entourait le bar. Une nouvelle époque de la fête commença. Ses caractéristiques étaient un cliquetis de verre dans tous les coins et la déflagration de courtes altercations, tôt noyées dans une sentimentalité débordante. Les deux perroquets que l'on avait rentrés faisaient de la gymnastique sur leur perchoir et criaient d'enthousiasme. « Et maintenant tu vas jouer !» cria Yann. « Tu as bien ta flûte ?»« Certainement. Alors, joue-nous quelque chose. » Je sortis la flûte de ma poche, m'humectai les lèvres et laissai galoper mes doigts sur les trous, et ma petite flûte chanta « Jouissez de la vie quand encore la lampe brûle, cueillez la rose avant qu'elle se fane. Oh oh, bravo, bis, bis !» Et de nouveau ma petite flûte chanta « Jouissez de la vie !» Le biniou piaulait et les sabots frappaient le sol. La brune Jeannette aussi était revenue. Elle était avec un jeune pêcheur et nous regardait. « La revoilà !» dit Yann avec mépris. « Vraiment ?» Elle ne se gênait pas le moins du monde. Je dansais continuellement avec Rosser. « dansez donc !» criait Yann. Et nous dansions. Nous étions cabossés et piétinés, mais on s'amusait. La petite poitrine de Rosser respirait avec animation. Le cidre lui empourprait le visage. Chaque fois que je la serrais contre moi, elle levait les yeux vers les miens et me souriait. Martine me tira par le bras et me dit « Allô !» Mais je ne fis nullement attention à elle. Il y avait là quelques jeunes filles qui me montraient une grande amabilité et me faisaient des avances. Mais qu'étaient-elles au prix de Rosser ? Elles avaient toutes de gros ventres, comme si elles étaient enceintes. Rosser, au contraire, « Ah ! Peut-être qu'un jour je te donnerai une de mes bagues, Rosser, » lui dis-je à l'oreille. Comme sa petite coiffe blanche était jolie et son corsage était attaché avec une 50aine d'épingles de couleur. Mais soudain quelque chose dansa dans l'air, dansa et me dansa juste au milieu du front, un verre à vin. Cela me fit une petite éraflure dans la peau et je saignai. Je me redressais. Au cas où ce serait l'usage dans l'île de se bombarder avec des verres, je ne me pliais pas à cet usage, non merci. « Qui a jeté ce verre ? » criai-je. Oser me tira par le bras et je compris. C'était Yann. Il riait. Et dans son petit œil bleu clair d'enfant, je vis juste s'éteindre la dernière étincelle de colère. « Ta dernière heure est venue, petit capitaine. Tous les saints du calendrier ne pourraient plus te sauver. Eh eh ! » Yann riait à se tordre. « Tu ne vas pourtant pas. Eh eh eh ! Il faut enfin que vous cessiez de danser. »« Mais il saigne, » dit Rosehair, et elle me tendit le petit mouchoir dont je lui avais fait cadeau. Cela me calma instantanément. Yann bénéficia des circonstances atténuantes. La vie lui fut une seconde fois accordée. Ma bonne humeur revint, car n'était-ce pas touchant de voir Rosehair avec le mouchoir à la main ? Mon âme, sur laquelle venait de tourbillonner un typhon, était unie comme un miroir. Je me mis à rire. Oui, il faut bien rire d'une brute de ton calibre, Yann. Je le plaignais même un peu. Il avait fait deux colossales fautes de stratégie. Premièrement, par son tir prématuré, il m'avait dévoilé sa position. Et secondement, il avait montré à Rosehair qu'il était jaloux. Et c'était la pire des fautes. Yann se leva et mit solennellement la main sur son cœur. Ses candides yeux d'enfant étaient pleins de larmes. « Je voulais seulement jeter quelque chose, canarder un brin, mon ami. » Je lui tendis la main. Moi aussi, j'avais les larmes aux yeux. Nous nous accolâmes et nous nous embrassâmes, ainsi qu'il sied, et l'affaire fut réglée. Mais Rosehair restait muette, et son front bas était froncé en mille petits plis, comme la mer quand la brise se lève. Je lavais les raflures avec du cidre et commandais du vin. « Nous allons monter en pression. Ris, Rosehair !» Rosehair sourit. Maintenant, tout était dans l'ordre. Il me sembla qu'il n'était que juste et normal de rendre une politesse à Kedril pour son invitation, en contribuant à rehausser la fête par quelque chose de tout à fait extraordinaire. En conséquence, je les régalais d'un cakewalk. Je me mis à marteler le sol de mes semelles comme un enragé. « Hangit Hall. There was no Aaron at the top of his head, the place where they are out to grow. » And he had no tiff for to head the hoe-cake, so he had to let the hoe-cake go, hung up the fiddle and a bo-ho. Oh, oh, oh, oh, ah, ah, ah, quel succès ce fut! Poupoule tournait autour de moi en jappant, il craignait pour ma raison. Take down the shovel and the hoe. Kedril me remercia, très touché, puis il bégaya que Madame Chiquel ne donnait rien à crédit, et je rassemblai ma monnaie. « Pas de merci, Kedril. Pour cause de cessation de commerce, on liquide à perte. » Une nouvelle époque de la fête commença, plus brillante encore, mais Rosehair ne dansa plus avec moi. Chapitre 6. C'est grand dommage que la noce de Kedril, qui s'était déroulée en grand style et si brillamment, dût se terminer par une dissonance. Chiquel, cet hôpital ambulant, gonflé de rage par son martyr volontaire, commença la dispute à propos de rien. Les gens de la noce s'amoncelèrent en un nuage menaçant et sinistre, mais alors Madame Chiquel sortit de derrière le comptoir, pareil à un vent d'orage. Le sang lui monta à la tête, elle eut un accès de rage et nous jeta tous à la porte. Les perroquets s'éveillèrent au bruit et ils criaient à plein poumon « Voleur, canaille, voleur, voleur !» Ainsi finit le jour de gloire de Kedril. J'en riais encore en rentrant chez moi, j'aboyais de rire, car j'étais complètement enroué. Oh, oh, comme nous avions tous giclé de la porte et roulé dans la lande. Kedril roulait avec une bouteille qu'il élevait en l'air. « Yann, Yann, où es-tu passé si subitement ?» Ah, ce n'était pas l'ennuyeuse et prudente Europe, c'était des gens de l'âge de pierre qui faisaient tout à corps perdu. Le rire me secouait au point qu'il m'était impossible de me tenir debout. Je rampais à quatre pattes, et comme j'aboyais, ce faisant, Poupoule me prit pour un de ses pareils. Il dansait devant moi comme un fou, et par moments il me léchait le visage. Je me tournai et tendis l'oreille. Derrière moi, le village entier braillait. Je ne me rafraîchis que lentement. La nuit était noire comme une mine de houille, et droit au milieu se dressait Créache comme un spectre incandescent qui crachait le feu par tous ses os. Poupoule s'arrêta, il se dressa sur les pattes de derrière, me posa les pattes de devant sur les épaules et se mit à japper. Je le pris dans mes bras et le couvris de baisers. « Poupoule, mon âme, nous voilà tous les deux des chiens !» et de sa langue suceuse, Poupoule me léchait le visage de bas en haut, mais il n'avançait plus. Alors je remarquai que nous avions jeté l'ancre devant un abîme. C'était cette gorge qu'ils appelaient la gorge de Poupon. Mon front se glaça, je passai la langue entre les dents et je fis des efforts désespérés pour penser. Longtemps. Oui, au fait, pourquoi devais-je ramper à quatre pattes? C'était la question. Je me mis debout, mais alors l'île se déroba sous mes pieds comme une plaque tournante et je me métamorphosai de nouveau en quadrupède. Rien à faire là contre. J'avais sous-estimé la force de pénétration des boissons de Chiquel, voilà tout. Au reste, mes ancêtres ne marchaient-ils pas également à quatre pattes, alors qu'ils portaient encore des poils par raison de simplicité? Peut-être qu'avec un peu de propagande, je réussirais à remettre à la mode ce moyen de locomotion. On pouvait piper les hommes avec n'importe quelle nouveauté, hein? En route, Poupoule! Quand je passais près du moine qui se tenait debout et sermonnait les sauriens, mon âme fut saisie d'ébranlement. Je dis, je m'approche dans le plus profond respect sur les genoux, mon père. Mais le moine me repoussa du bras et me jeta à terre. Longtemps je restai étendu sans connaissance, et Poupoule fit des tentatives désespérées pour me rappeler à la vie. Combien de temps nous fallut-il, Poupoule, pour arriver à la maison? Mais finalement j'étais étendu sur mon lit. Alors un des sauriens de la lande entra, saisit mon lit avec sa trompe et le lança en l'air très haut. Le lit dansa et tournoya, puis s'écrasa à terre avec fracas. Je m'éveillai, mais alors une comète d'un rouge incandescent siffla dans l'air et vint m'éclater au visage. Hé, hé, hé, 2000 grillons étaient installés dans ma tête et stridulaient. Donne-moi donc, donne-moi donc. Puis la mélodie m'entraîna lentement dans la ronde et je m'endormis. Pourtant, je ne trouvais pas le repos. Mon sang bouillait. La sueur me coulait à torrents sur le visage. Je me levai. La porte était ouverte. Il faisait frais, et par Dieu, oui, c'était une nuit fraîche, comme un suaire. Je sortis et je sentis ma tête devenir fraîche et claire. Le clair de lune s'épandait sur la lande, dense comme la neige, et entre les herbes flottaient de délicates rames de lumière argentée qui se dissolvaient à mesure qu'on avançait. Je descendis à la mer. Elle s'étendait comme de l'argent liquide, ondulante et étincelante, mais au bord elle était noire et polie comme du jais. Elle respirait à la dérobée comme un voleur dans sa cachette, et à chaque inspiration subreptice, un serpent d'argent se déroulait dans le sable. Mes semelles brûlaient, j'avançais, et mes pieds s'enfonçaient dans de l'argent luisant. L'argent me montait jusqu'à la poitrine, jusqu'au menton. Ah, voilà qu'il touchait mes paupières, il se refermait par-dessus moi. Maintenant il faisait sombre tout autour de moi, mais moi j'étincelais de la tête aux pieds. Comme un spectre lumineux, je me mouvais dans la mer noire, des perles d'argent se levaient sous mes semelles, j'éternuais et j'éternuais de l'argent, une pluie de gouttelettes d'argent qui montait rapidement. Je regardais en haut, là l'argent s'étendait en une couche épaisse. Toutes les lourdes boules d'argent que soulevaient mes pas montaient en dansant avec la rapidité de l'éclair et s'y confondaient. « C'est le clair de lune sur la mer, me dis-je, et je continuais d'avancer. » Comme c'était merveilleux tout de même au fond de la mer. Y avait-il du bruit avant? Non. Pourtant, c'était maintenant mille fois plus silencieux. Quel silence! Je m'arrêtais et prêtais l'oreille. Ce silence me saisissait. Alors je restais debout au fond de la mer, la tête penchée, prêtant l'oreille, et j'étais heureux. C'est le nirvana, me dis-je en hochant la tête. Alors nous sommes... Je continuais d'avancer en souriant. Je passais sur des dunes sans fin, du sable, mon pied enfonçait. La mer était d'un vert noir, comme dans les forêts vierges, où le soleil ne pénètre jamais. Puis j'errais dans une forêt de grands cristaux de glace fantasmagoriques. Ils se dressaient comme des flammes pâles et ne me touchaient pas. Mais soudain, ils oscillèrent, se séparèrent, et je vis briller devant moi deux grandes fenêtres rondes. Il y eut comme un bruit de meule, et je vis que les deux grandes fenêtres rondes étaient les yeux d'un poisson monstre, qui me fixait curieusement, en faisant mouvoir ses mâchoires d'arrière en avant et d'avant en arrière. Hé, hé, je fis claquer mes doigts, le monstre déploya sa nageoire dorsale, manœuvra et se retira. J'étais au bout de la forêt de cristaux, et je me trouvais de nouveau devant une plaine de sable sans fin. Je cherchais quelque chose. Qu'était-ce donc que je cherchais, au nom du ciel? Alors je butais contre quelque chose de dur. C'était un petit canon de navire qui gisait dans le sable. Il était couvert d'une épaisse couche de vert-de-gris. Je la grattais de l'ongle, et voilà que des morceaux entiers s'en laissaient arracher. Je continuai ma marche. Que cherchais-je donc ici? Je secouai la tête, je ne le savais pas. Dans le sable gisait un petit poisson mort. Je le regardais longtemps. Il gisait là, plein de mystère, et son ventre blanc semblait me dire qu'il m'avait attendu longtemps, trop longtemps. Je creusai un petit trou, j'y ensevelis le poisson selon les rites, et je répandis du sable par-dessus, et au sommet de la petite tombe, je posai un coquillage. Il fallait que tout soit dans l'ordre. Puis je continuai d'avancer. L'inquiétude s'empara de moi. Je regardai autour de moi, puis en l'air. Tout autour, c'était la mer, sombre, infinie. Et soudain, une angoisse effroyable me saisit, parce que j'errais ici, en bas, dans la grande mer, comme un petit grain de sable, sans savoir pourquoi. Je me mis à courir. La terreur me poussait. Les mains étendues, les cheveux dressés d'effroi, je me précipitais à travers la mer en criant. Mais tout à coup, je m'arrêtai, frappé de stupeur, et mon cœur devint tout à fait calme. Devant moi était une épave, d'un gris verdâtre, comme la mer elle-même. C'était un vieux vaisseau marchand, haut comme une maison, ventru, avec une rangée de lucarnes carrées, avec de lourdes superstructures et des tronçons de mâts brisés. Du haut en bas, il était couvert d'une couche visqueuse de vase, et des mousses vertes pendaient de tous côtés. Curieusement, je fis le tour de l'épave. À la proue, il y avait une figure de bois mutilé. À la poupe, on lisait le nom, Maria, A.D. 1730. J'aperçus, en haut, une silhouette grise qui se penchait sur le bastingage et m'interpellait. « Allô, te voilà, vieux pilleur de cadavres ?» Et l'homme se mit à rire. À son rire, je le reconnus. C'était Kerwell, un pêcheur qui s'était noyé avec deux autres, quelques semaines plus tôt. « Ah, Kerwell, c'est toi ? Viens à bord, as-tu du tabac sur toi ? Voici l'échelle, attention !» Une échelle de corde dégringola. Une grande surexcitation s'empara de moi. « J'ai du tabac, Kerwell » criai-je. Et je montai rapidement le long de la paroi visqueuse de l'épave. « En avant !» cria Kerwell, dont les yeux étaient surnaturellement clairs. « Ils sont tous là, l'aimant, bec, une jolie bande. Il y a déjà longtemps que Rose Eyre t'attend. »« Rose Eyre ? Ah, c'était pour chercher Rose Eyre que j'étais sorti. Comme j'étais stupide, maintenant cela me revenait. Tu vas aller chercher Rose Eyre, m'étais-je dit, quand j'étais descendu dans la mer. « Allô !» hurlait Kerwell, les mains en porte-voix. « Patron, un nouveau qui arrive ! Allô, Rose Eyre, le marié est là !» De tous les côtés, des têtes affolées sortaient des lucarnes. Je vis devant moi une pyramide de poils gris. C'était le patron. Ses cheveux, ses sourcils, sa barbe pendaient comme de la mousse jusqu'au pont, sa moustache ondulait, sa barbe flottait au vent. Il y avait déjà longtemps qu'il avait refermé les lèvres quand je compris ce qu'il disait. « Sois le bienvenu au fond de la mer !» Cent mains se tendirent vers moi pour me saluer, cent visages curieux, luisants d'une joie enfantine m'entourèrent. Ils avaient tous des yeux clairs, larges ouverts, et leurs cheveux pendaient comme du varech humide sur leurs visages livides. « Bienvenue au fond de la mer !» Je reconnus l'aimant. Comme toujours, il avait dans la bouche un court bout de pipe en terre. Bec avait son bec de lièvre. « Allô !» Deux pêcheurs, le père et le fils, que je n'avais jamais vus, me secouaient rudement la main. « Voici le père de Rose Eyre, et voici ton beau-frère. Embrasse-les » cria Kerwell. « Rose Eyre est ici » dirent-ils tous deux. Ils me baisèrent sur les deux joues. Ici j'étais en bonne main, je me sentais chez moi. Alors je perçus un petit choc à l'épaule, et je me retournai instantanément. C'était Rose Eyre. Elle me regardait et riait comme quelqu'un qui s'était caché et qu'on a fini par débusquer. « Tu as donc trouvé le chemin ? » demanda-t-elle. « Où sont les bagues ?» Je ne lui répondis pas. J'avais couru à travers des forêts d'algues, des déserts et des montagnes de racines. Je poussai un cri sauvage, je la saisis et la soulevai très haut au-dessus de ma tête. Puis je me mis à courir. Je courais en grimpant les trois escaliers du gaillard d'arrière, autour des paquets de cordage, en descendant le long du bastingage, en escaladant le gaillard d'avant. Je courais comme un démon, et derrière moi vacarmait la chasse sauvage. Rose Eyre se cramponnait à mes cheveux, et elle poussa un cri de joie, un cri pénétrant. Je sautai avec elle dans une écoutille, des valets, prompts comme l'éclair, les marches roides, et me précipitai dans un étroit couloir. Un essaim de minuscules poissons effarouchés partit devant nous. La chasse sauvage hurlait derrière nous, que tout en grondait. Avec Rose Eyre dans mes bras, je courais à travers un labyrinthe de couloirs et d'appartements, et je me trouvais finalement dans une vaste pièce à la poupe. Il n'y avait plus d'issue, la chasse sauvage entra en fracas, je râlais. « Noce, noce » criaient-ils. Ils agitaient leurs bonnets en nous entourant. « Ne voulez-vous pas me faire un peu de place ? » dis-je en riant, et j'essuyais la sueur de mon visage. Non, ils ne voulaient pas. « Arrachez-leur les vêtements du corps ! Oh, oh !» Ils hurlaient et nous serraient de plus près. Ils étaient là, tête contre tête, sans visages livides et curieux, avec des cheveux humides et de clairs yeux de verre. Ils voulaient tout voir.